à chaque tic-tac de l'horloge. Il nous reste une seconde de moins à vivre, une seconde de moins à investir dans l'éternité. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Une bonne gestion du temps est essentielle pour tous, du président-directeur général au simple étudiant. Et comme chrétiens, nous devons apprendre à organiser soigneusement nos jours selon les priorités de notre Dieu. Aujourd'hui, nous effectuons avec Charles Stanley un retour aux sources en nous rappelant que le temps est un don du Seigneur à utiliser sagement. Nous verrons pendant cette émission comme il est facile de laisser les circonstances et les exigences de notre vie diriger notre emploi du temps. Peu importe nos bonnes actions, nous devons garder en tête qu'il s'agit d'une perspective éternelle, car seulement les choses accomplies pour le Seigneur passeront l'épreuve du temps. Voici Charles Stanley. Quelles questions les gens se posent-ils le plus souvent chaque jour? Pas forcément verbalement, mais plutôt le genre de questions qu'on se pose souvent à soi-même. Nous posons parfois cette question par habitude, mais en d'autres occasions, la réponse à cette question représente un enjeu majeur. Cette question est probablement « Quelle heure est-il ?» Le temps est une commodité très prisée. On pourrait définir simplement le temps par une période mesurable dans laquelle les circonstances et les événements s'initient ou continuent. Et Dieu a beaucoup de choses à nous dire sur le temps, car le temps est un matériau de base de la vie. Nous pouvons ouvrir notre Bible, si vous le voulez, dans le 5e chapitre de l'Épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul nous enseigne beaucoup de choses sur le temps et il insiste en particulier sur le soin que nous devons apporter à la façon d'utiliser notre temps. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Notre temps ». Si nous voulons devenir les personnes que Dieu veut que nous soyons, nous devons alors soumettre certains aspects de notre vie à une stricte discipline. L'une d'entre elles est notre pensée, l'autre est notre temps. Regardons maintenant ce chapitre 5 d'Éphésiens à partir du verset 15. « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Dans ce passage, Paul distingue deux catégories de personnes, les insensés et les sages. Les hommes et les femmes insensés vont perdre leur temps en activités frivoles. Or, Dieu nous encourage à ne pas agir en insensé, mais avec sagesse, en rachetant le temps, c'est-à-dire en tirant parti au maximum du temps mis à notre disposition, parce que les jours sont mauvais. Et puisque les jours sont mauvais, si nous n'y prenons pas garde, notre temps sera volé et gaspillé avec des choses qui n'ont aucune valeur éternelle, qui n'exhortent pas, n'éduquent pas, n'édifient pas dans l'Écriture et dans l'Esprit, mais qui nous ralentissent dans notre marche et nous égarent. Nous devons donc profiter au maximum du temps alloué, car les jours sont mauvais. N'agissons pas en insensé, mais en comprenant la volonté de Dieu. Nous pourrions considérer les différents aspects du temps sous l'angle biblique, en tournant tout d'abord dans le psaume 31. Il constituera le premier point de ce message. Le psalmiste nous propose ici une déclaration pour nous rappeler comment il est facile de perdre son temps, de se laisser aller dans la vie, de permettre aux minutes, aux heures, aux jours, aux semaines, aux mois et aux années de s'égrener pour finalement faire le point sur sa vie et s'étonner. Où est passé hier? La semaine dernière, l'an passé. Qu'ai-je fait de ma vie? Me voici au crépuscule de mon voyage sur terre. Où sont mes accomplissements? Le psaume 31 à partir du verset 15. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées, les temps de ma vie sont entre les mains de Dieu. Posons-nous maintenant cette question. Quelle est la relation de Dieu avec le temps? Dieu est au-dessus du temps. Dieu ne s'échelonne pas dans le temps. Il ne progresse pas dans le temps. Voyons dans le psaume 90 comment cette réalité est exprimée dans la dernière partie du deuxième verset. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Cela signifie que Dieu est au-dessus et au-delà du temps. Le temps n'existe pas pour lui. C'est pourquoi nos destinées sont entre ses mains. Non seulement Dieu a-t-il créé le temps, mais il contrôle tous les événements temporels. Il n'existe rien qui soit au-delà de la connaissance de Dieu ou de la puissance de Dieu. Il connaît toutes choses et il règne sur toutes choses dans le temps. Il voit les choses dans la succession de leurs événements et il les contrôle, mais il est lui-même au-dessus et en dehors d'elles. Nous pouvons étudier un autre indice de la totale mainmise de Dieu sur le temps dans le livre des Actes, au 17e chapitre, à partir du verset 30. Écoutez bien ceci. Verset 30 du 17e chapitre du livre des Actes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, un temps, où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire Jésus, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Le jugement de ce monde n'est pas un événement nébuleux qui pourrait ou pourrait ne pas arriver dans un futur hypothétique. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde au moment fixé, dans la plénitude des temps, et à un autre moment connu de lui seul, il procédera au jugement de ce monde. Dieu contrôle la totalité du temps quel qu'il soit. Nous avons tous un nombre d'années devant nous. Certains ont 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 75 ou 100 ans, peu importe. Nous avons tous cet espace de temps et quand il viendra à échéance, nous mourrons. Personne, aucun docteur, aucun scientifique, ni aucune invention, aucune pilule ne pourra prolonger notre vie d'une seconde, car Dieu a statué sa limite de temps pour chacun d'entre nous. Le deuxième point qui mérite notre attention est la façon dont nous utilisons notre temps. La manière dont nous passons notre temps nous révèle où résident nos valeurs et nos priorités de vie. Et la manière dont nous remplissons notre vie avec notre temps nous enseigne quelles sont nos valeurs et les choses que nous considérons importantes. Regardons maintenant la première épître de Pierre au chapitre 4. L'apôtre utilise un mot très clair, succincte et précis pour déterminer comment nous devrions passer notre temps. On se rappelle que nous avons tous reçu de Dieu des talents naturels et des dons spirituels. Mais pourquoi pensez-vous que Dieu nous les a donnés? Parce qu'il nous a donné un espace de temps, une période de vie, pour utiliser ces dons. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs, c'est-à-dire de bons gestionnaires, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. La première chose qu'on peut constater dans ce passage, c'est que nos dons spirituels, nos talents et nos habiletés sont tous une expression de la grâce de Dieu. Rien ne l'obligeait à nous les donner. Il nous les a accordés parce qu'il nous aime. Toutefois, Pierre prend bien soin de préciser que ces choses doivent être mises à contribution de manière à aider les autres. Nos dons doivent être employés pour le bien commun. Comment servons-nous Dieu? En employant ces dons pour aider et servir les autres. Une chose est certaine, nous devons employer et investir notre temps d'une manière qui soit profitable pour les autres si nous voulons que notre emploi du temps compte aux yeux de Dieu. Comment puis-je ne rien faire de mon temps quand il est un don de Dieu pour être employé à le glorifier et à l'honorer? Cela veut-il dire que je dois toujours courir? Non, je n'ai pas à courir d'un bord et de l'autre. Je ne suis pas obligé de me dépêcher pour investir sagement mon temps. En fait, il n'est probablement pas sage de faire les choses trop rapidement. Or, quand Dieu nous appelle à le servir, nous devons le faire avec diligence, sans tarder. Nous avons la responsabilité de dispenser droitement notre énergie de travail. Regardons maintenant le livre des Actes, chapitre 24. Ce passage décrit un des nombreux épisodes d'emprisonnement de l'apôtre Paul. Ici, il comparaît devant un fonctionnaire romain du nom de Félix. Ou, plus précisément, il s'agit d'une rencontre officieuse où Félix et son épouse sont venus pour s'entretenir avec l'apôtre Paul. Regardons le livre des Actes, chapitre 24, verset 25. Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Félix entretenait de bonnes relations avec Paul dans l'espoir de recevoir de l'argent de lui. Mais Paul se refusait à le faire. Les Écritures spécifient toutefois que Félix venait souvent voir Paul. Mais remarquez bien ce que Félix dit. « Retire-toi maintenant, et je te parlerai quand j'en aurai le temps. » Je me demande combien de personnes disent la même chose à Dieu. Le Saint-Esprit les convainc, mais elles ne réalisent pas d'où vient cette conviction. Ou alors, un chrétien leur parle de la grâce de Dieu et du salut, mais elles répondent « Je n'ai pas le temps pour ces affaires-là. » Lorsqu'un croyant s'approche pour leur parler de l'impact que Jésus a eu sur leur vie, il se fait répondre « Je n'ai pas de temps pour cela. Va voir quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le temps pour Dieu. Je n'ai pas le temps pour les choses spirituelles. Je n'ai pas le temps de lire la Bible. Je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps de servir le Seigneur, ni le temps d'aller à l'Église. » Elles n'ont pas de temps pour Dieu qui leur a créé le temps et leur a donné. Elles n'ont pas de temps pour le Dieu qui leur a accordé le don de la vie. Il est renversant d'entendre des gens dire « Oh, en fin de compte, je n'ai pas de temps pour ceci et pour cela. » Et quand nous parlons de cette façon, nous exprimons très clairement où résident nos priorités de vie. Car je passe mon temps là où mes valeurs sont placées. La manière dont j'utilise mon temps est un bon indicateur de mes priorités de vie. Car en vérité, la plupart des gens trouvent toujours le moyen de faire ce qu'ils ont vraiment le goût de faire. Mais quand quelqu'un dit « Je n'ai pas le temps », cela pourrait se traduire plus exactement par « Je ne veux pas le faire ». On arrive toujours à faire ce qu'on veut vraiment faire. Connaissez-vous la meilleure façon de gagner du temps? Je dois vous dire ce que c'est. La meilleure façon de gagner du temps, c'est en priant. Rien au monde ne peut vous permettre d'économiser plus de temps que la prière. Plusieurs pensent sans doute que le fait de se mettre à genoux ou de prier d'une quelconque manière pour parler à Dieu alors que vous êtes bousculé par votre horaire et sollicité de toutes parts constitue plus une perte de temps qu'une solution. Mais je peux vous dire que parler à Dieu épargnera certainement du temps. Car en priant, vous pouvez demander au Seigneur Dieu sa direction et sa sagesse. Vous voyez, lorsque vous passez du temps avec Dieu le matin, il connaît déjà chaque seconde du déroulement de votre journée. Il sait ce qui va vous arriver. Il sait aussi comment vous aider à vous épargner certains désagréments de la journée et à être au bon endroit au bon moment. Il n'attend qu'un geste de votre part. Il attend que vous recherchiez son conseil. Vous ne pourrez jamais trop solliciter Dieu dans votre journée. Au contraire, il n'attend que cela. Votre relation avec Dieu ne peut que grandir avec un dialogue presque incessant avec lui. Parfois, il décide délibérément d'intervenir dans votre horaire et dans votre emploi du temps. Rien ne peut vous faire gagner plus de temps que de passer du temps avec lui. Nous possédons tous certaines tendances, certaines habitudes de vie, et nous connaissons tous des circonstances qui nous font perdre du temps, car nous ne demandons pas conseil à Dieu. Nous tombons tous dans ce piège si nous ne faisons pas attention. Peu importe votre travail, la meilleure manière de gagner du temps est de dire « Seigneur, montre-moi quoi faire. Comment dois-je faire cela? Que dois-je faire à ce point ?» Lors de votre prochain temps de prière avec Dieu, je vous invite à réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui procure à Dieu le plus de satisfaction et de gloire dans votre vie? C'est le temps que vous passez avec lui dans la prière, la méditation et la tranquillité. Nous avons besoin de Dieu. Lui, il n'a pas besoin de nous. Dieu ne dépend pas de nous en aucune façon. Pourquoi alors nous a-t-il créés? Pour passer du temps avec nous, pour nous aimer, pour nous prouver l'étendue de sa grandeur, de sa puissance et de son amour. Il voulait nous démontrer combien le Dieu créateur de l'univers est fantastique et merveilleux, pour que nous l'aimions en retour et qu'il répande encore plus d'amour sur nous et pour que nous l'aimions encore plus. Pendant tout ce temps, nous découvrons qui il est. Nous, il nous connaît déjà. Je dois maintenant vous poser une question que certains pourraient trouver embarrassante. Combien de temps avez-vous passé seul avec Dieu pendant la semaine? Qu'avons-nous dit au début? Le temps passé à accomplir nos activités indique notre échelle de valeur. Et si le temps passé avec Dieu ne fait pas partie de nos priorités, que va-t-il se produire? Nous allons nous trouver autre chose à faire. Je ne peux jamais, pour aucune raison, justifier mon manque de temps passé dans la prière, même si c'est pour proclamer l'Évangile. Aucune excuse n'est valable devant Dieu. Je pourrais dire, « Regarde, Seigneur, le bel enseignement que je vais donner ou la belle étude que je vais faire. » Mais là n'est pas la question. La question est de savoir si Dieu nous a créés pour l'aimer, pour pouvoir se révéler à nous et nous montrer qui il est et pour nous donner toutes les autres choses de notre vie qui sont la conséquence de notre relation avec lui. Nous connaissons tous la réponse à cette question. Dieu veut passer du temps avec nous. Nous avons été créés pour être aimés de lui. Il nous a créés pour que nous l'aimions. Il n'a jamais eu besoin de nous, mais il désire notre compagnie. Or, si nous passons peu ou pas de temps avec lui, cela revient à dire « Il existe beaucoup de choses importantes dans la vie, mais passer du temps avec Dieu n'en fait pas partie. Cela ne constitue pas une priorité. En d'autres mots, passer du temps avec Dieu n'en vaut pas la peine, car si c'était important, je le ferais. » Si vous savez que vous ne passez pas suffisamment de temps avec Dieu et que vous n'êtes pas encore convaincu, que puis-je faire d'autre? Vous savez, une semaine entière peut facilement s'écouler, et tout ce que vous aurez dit à Dieu, c'est « Très bien, Seigneur, j'ai besoin de ceci, et Seigneur, j'ai besoin de cela, Seigneur, aide-moi dans cette situation, Seigneur, protège-moi. » Nous sommes prêts à lui faire connaître nos besoins, mais nous ne passons pas de temps à nous concentrer sur lui pour l'aimer et pour passer quelques moments de tranquillité avec lui. Malheureusement, notre sens de valeur est ainsi fait que nous n'accordons pas beaucoup de prix au temps passé avec Dieu. N'est-ce pas là un curieux sens des valeurs? Mais, à bien y penser, comment passons-nous le plus clair de notre temps? Revenons à notre passage de la lettre de Paul adressée aux Éphésiens. Vous rappelez-vous l'expression « racheter le temps » Dans le 5e chapitre de cette épître, le même mot est traduit de 2 ou 3 manières différentes. Mais quand l'apôtre Paul parle de « racheter le temps », il nous encourage à profiter au maximum du temps qui nous est alloué, de le saisir et d'en tirer avantage. L'usage le plus important de votre temps est celui-ci. Reconnaître que sans Christ, vous survivez, vous existez, mais vous ne vivez pas vraiment. Et la chose la plus importante à faire est de demander au Seigneur Dieu de pardonner vos péchés et de mettre votre confiance dans la mort expiatoire de son Fils au calvaire. Il a payé entièrement la dette de vos péchés, et si vous lui faites confiance, vous devenez alors un enfant de Dieu. C'est l'étape numéro 1. C'est pourquoi il est écrit « Voici le jour du salut ». Dieu n'a pas dit « demain », « la semaine prochaine », « le mois prochain » ou « l'année prochaine ». Le mot « voici » fait référence au temps présent dans la vie de toute personne. La journée pour être sauvé, c'est aujourd'hui, maintenant, ou alors, il sera peut-être trop tard. La vie est une chose bien fragile. La deuxième étape pour profiter au maximum de notre temps est précisément décrite dans le même passage d'Éphésiens, chapitre 5. Il s'agit de découvrir la volonté de Dieu pour votre vie et de marcher quotidiennement dans cette volonté. Si vous êtes femme au foyer et mère de 4 enfants, vous vous demandez peut-être comment vous pouvez accomplir la volonté de Dieu. Vous le faites déjà si vous élevez vos enfants dans l'obéissance à Dieu. Si vous êtes une épouse sanctifiée pour votre mari et si vous accomplissez vos tâches dans la joie. Et si vous faites bien cela, le Seigneur vous donnera autre chose quand cette phase de votre vie sera terminée. Et cela pourrait être quelque chose de complètement différent. Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Quels sont ses plans? Quel est son objectif? Qu'entend-il faire avec vous? Où vous conduit-il? Ces questions vous préoccupent-elles ou est-ce que vous utilisez tout votre temps au travail sans y investir un sens de direction, sans vouloir accomplir quelque chose dans la vie? Vous ne voulez sûrement pas arriver à la fin de votre vie et vous dire « Ma vie est presque terminée et qu'en ai-je fait? A-t-elle été gâchée? Ai-je vraiment vécu ou n'ai-je fait qu'exister? Que va-t-il se passer maintenant? » Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous devez premièrement le recevoir comme sauveur personnel et deuxièmement, découvrir la volonté de Dieu pour votre vie. La vision du monde de Dieu est de loin supérieure à la nôtre dans sa portée et sa perspective. Nous ne pourrions la comprendre dans son ensemble, mais le Seigneur est disposé à nous en révéler une partie. Il est écrit « Nos destinées sont entre les mains de Dieu. » Troisièmement, je vous encourage à faire une chose très importante. Beaucoup de gens la négligent en se disant qu'elle n'est pas vraiment nécessaire. Mais vous devriez la faire, que vous ayez 15, 25 ou 65 ans. Considérez sérieusement accomplir cette tâche. Il s'agit d'écrire un énoncé de mission pour votre vie. Nous sommes tous ici sur terre pour accomplir une mission spécifique que le Seigneur nous a confiée. Le degré de satisfaction éprouvé au cours de notre vie dépend de notre capacité à identifier et à remplir cette mission. Demandez à Dieu de vous diriger dans cette tâche. « Seigneur, où dois-je investir le reste de ma vie? » Écrivez-le. Commencez par une phrase dans le style « Père, sous ta direction divine, je décide de consacrer le reste de ma vie à... » Il est important d'écrire ce que vous avez l'intention de faire du reste de votre vie, car il est facile de se laisser détourner de votre objectif par les circonstances de la vie. Ensuite, d'autres personnes vont survenir pour tenter de diriger votre vie. Elles vont s'immiscer, bousculer, s'imposer, demander, exiger, et la vie passera. Vous vous retrouverez à 40, 60, 80 ans, et vous n'aurez pas accompli ce que vous vouliez faire à 17 ans. Écrivez-le, même si vous croyez en être incapable, essayez. Rien n'est plus important et rien ne devrait vous préoccuper plus que votre vie et ce que vous en faites. Dieu vous a donné cette vie et un jour, vous devrez lui en rendre compte. Écrivez votre énoncé de mission. Dieu prendra toutes les circonstances de la vie, agréables et désagréables, et il les tournera en bien si nous le lui permettons. Perdre notre temps n'entre jamais dans le plan de Dieu. Quelqu'un m'a déjà dit « J'ai travaillé 40 ans pour telle compagnie et j'ai perdu mon temps. » C'est inexact. Nous devons tous gagner honnêtement notre vie, car telle est la volonté de Dieu. Si je fais de mon mieux là où je suis, et si je donne tout ce que j'ai, si j'apprends mon métier de mon mieux, et si je discipline ma vie, Dieu pourrait alors décider de changer ma condition de vie. Il pourrait me libérer d'une façon vraiment étonnante. Aucun emploi honnête ne constitue une perte de temps. Et si on me dit « Je commencerai à servir Dieu quand j'aurai terminé de travailler », détrompez-vous, vous ne le ferez pas. Je pense à ces gens qui vivent pour leur retraite. Quand je les entends, j'ai l'impression d'entendre l'insensé. Si on demande à ces futurs retraités ce qu'ils vont faire, ils répondent « manger, boire et me payer du bon temps ». Croyez-vous faire la volonté de Dieu de cette façon? Si vous ne connaissez pas Jésus personnellement, la première étape est de lui faire confiance comme votre sauveur. Vous devez remettre votre vie entre ses mains. La deuxième étape est de lui demander ce qu'il veut faire du reste de votre vie. Il peut vous le dire tout de suite. Il peut vous le dire après un certain temps. Mais une chose est certaine, il vous le dira un jour à la fois. Et le jour où vous comparaîtrez devant lui pour rendre compte de la vie qu'il vous a donnée, n'aimeriez-vous pas qu'il vous dise « Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les petites choses que je t'ai données sur la terre. Je te confierai maintenant de grandes choses dans les cieux. » J'aimerais terminer en vous posant cette question. Que répondriez-vous aujourd'hui à cette question? Dans quel but vivez-vous? Où votre vie s'en va-t-elle? Qu'avez-vous l'intention d'accomplir entre maintenant et le moment où Dieu vous rappellera à lui? Qu'avez-vous l'intention d'accomplir dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années? Utilisez-vous votre temps au meilleur de vos capacités et pour la gloire de Dieu? Ou vous contentez-vous de dériver en gaspillant votre temps et en le passant à faire des choses sans valeur éternelle? Puisse Dieu vous accorder la sagesse de bien remplir votre vie en rachetant le temps. Va vers Dieu et demande-lui ce que tu dois faire de ta vie. Il te répondra. Nous devrons tous rendre compte de notre façon d'utiliser notre temps. Investissez-vous sagement dans votre temps ou le gaspillez-vous? Charles Stanley nous a encouragés à faire concorder nos priorités avec celles de Dieu. Il s'agit d'une étape importante pour devenir de bons gestionnaires de notre temps. Un regard attentif sur notre emploi du temps nous révélera beaucoup de choses sur nos priorités. Dans Romains 12, verset 1, Paul nous écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous aimez les enseignements du Dr. Stanley, mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue « En contact » qui reprend ses enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.